بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال سيدي الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن نبي في الفصل التاسع والعشرين من كتاب النفيس الرماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم أما التي من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنها إن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته تفضل علي بمحض فضله وكرمه من علوم الشريعة والحقيقة تخلقا وتحققا ما لا يمكن لي كتمه إلى آخره. الله أكبر. الشيخ الحاج عمر رضي الله تعالى عنه وارضى عن نبي نينا منام داي واخني موم تي خلفاء سيد احمد تجاني رضي الله عنه لا بوك تي امنا يي سيدني موم تي بوبام خليفه لا منام تي منام ني يننتي بي صلى الله عليه وسلم دافكو صوب amna tamit ay cede yi woné ni mom ci ndono yenenti bi la sallallahu alayhi wasallam te ci khalifa am yi la amna ay cede yen yi tektale ne sid ahmed tijani radiyallahu anhu radana bi dako sop tiofel gu mat seuk allahu akbar te amna cede yi woné mom ci ñu jokku la ci sid ahmed tijani radiyallahu anhu te ci khalifa am yi la bok radiyallahu ta'ala radana bi kon yoy ñom ñoy point yi nga xamantene yoy lay wone ni mom amna ay cede yi wone ni li yep xewna ndax kat buma wote wo mbir mu ne dama wara indi ay tektal yi wone ni loolu xewna tay duma wax rek ne mathématicien la tout simplement parce que dama ko wax rek ñep dañu wara gëm ni mathématicien la il faut ma am ay preuve yu wone ne man mathématicien la soit mu prouvé ko ki expliquer ay formules mathématiques yu compliquées éclaircir ko léral ko ba paré wax ci nombre bu doy buy wone ni war nañ ma mëna boré ci seen bir wala bok mu indi diplôme yu wone ne tout simplement man mathématicien la yaay dé par exemple def na thèse ci ay théorie mathématique nangam nangam yo xamné ba guer amna sama doctorat tabarakallah ñu xamné kon mathématicien la bu fekkante na dama woté woné chirurgien la c'est pas parce que dama né rek man gaay man chirurgien la que ben way day fever am lu ko dal rek ñu woma ma xott biiram ba far duma ko mëna tejat wo mom defaw yibi hein de man il faut mo am ay preuve yu woné né man mi kat mën na lan chirurgien la manam je suis capable d'exercer ce métier mbolém lu mëna xew lepp nak lool la nit tamit bu woté woné mom khalifa la wala serigne la ab serigne baat bob mu nanguko dafa wara am ay cd ay preuve yi wonane man nako preuve yi wonane nak ni mom ci khulafa yi la bok preuve yi wonane yenenbi sallalahu alayhi wasallam daf ko sop preuve yi wonane mom ci ndona yenenbi sallalahu alayhi wasallam la bok ci khalifa bi daf ko indi ben ñaaral bi muy preuve yi wonane sir ahmed tidiane radhiyallahu anhu dako sop tofel gu ma seuk te ci ñu jokk ci sir ahmed tidiane radhiyallahu anhu la bok te ci khalifa bi la bok lolu da ko indi deng muy ñaari xet legi mu ne amandal allati nga xamne min jeati ci walu rasulullah dawal ya lali sallallahu alayhi wa sallam faminha bok na ci bo xol xola so xolé chapitre bi bo do day gis minha minha fa minha gis ko wa minha wa minha wa minha voilà bari bari bari bari na ci de manam lolu rek la de voilà ñepp ay lan lañ ay ay argument lañ ay preuve ay tektal légui bu ñëkk bi moy biñu wara ñëkk vérifier bobu su baxul yi ci dess kenn duko xol faminha bu ñëkk bi ber bokku na ci la inna allaha nagbur yalla jalla magna jalalu magay bepp xelu mindi fi wa taqaddasat sallana ba takul luñ koy dindil asma'uhu ay turum wa sifatuhu ak melom mom yalla bur yalla bobé nga xamantene magay dafa ep xelu mindi fi mom mi nga xamantene ay melom ak ay turum daño sel selay go xamantene munu ñoo imaginer ak wañeku na ci koku tafaddal gënalena alayya ci man bi mahd fadli ci ngeneelam kesse kesse kesse kesse kesse kesse kesse wa karami ak terangam ci ngeneelam kesse dong rek ak terangam du yaatu terle na malan gënalena malan min ulumi shari'ati ci ay xam xami shari'a wal haqiqati ak haqiqa ba pare tax takhalluqan ba pare mu nek lo xamne luñu jikko la xal la nek wa tahaqquqan ba pare mu nek lo xamantene dama ko dundu mu ñaar xam xamu sharia ak haqiqa yalla gënalena mu ci mayna mako tabarakal mayna ma ci lo xamantene tamit dama ko jikko wa dama ko dundu mu incarner ko mama xootul ko bamul leer ma nga xamantene taxaqquq moy takhalluq moy jikko taxaqquq moy nga xootul affaire bi ba nga xamantene la ci juk nga mën ko ragne ak la ci juba di li nga xamantene woute yi dañ ci am ak yoy nga mën ko ki ba pare nak nga mën ko xamé ba pare dund lool lool moy taxaqquq nanam incarner ko mais avec nga xootal d'abord affaire bi nga def ci tahqiq manam nga def nga meuna segg mbiri ba meuna xamé la ca bax nga dundal wala lolou amna ci ma lo xamantene yalla wat ci mbaxam dox na ma ci lo xamne la yumkinu du jappani li ñeel ma kat mu ak neubum manam meunatuma ko neub salaari ke dafa muju nek lo xamne dama feñ suma bëggoon neub ni ñi ne len man borom xam la sax ñu dañu xamne deed ki borom xam la lolu ben la gis nga fimu jekk qalo ana ta'ala ajir kawaji borom subhanahu wa ta'ala neena ci suratul nisa ay 59 atiyu allah wa atiyu ar-rasul wa ul amri minkum ree joy ji la xolal atiyu ar-rasul atiyu ar-rasul lol jang nga ko jang ci señ fallo dedet egagumo ma xol neene ma xol ne dedet egagumo lol atiyu allah wa atiyu ar-rasul wa ul amri minkum atiyo top len allah bur yalla watiyo di ngeen top ar rasula ndawal yalla ndawle mo yenente bi sallallahu alaihi wasallam wa ulul amri ak borom yi mbiri borom yi ndigal yi borom yi ndigal borom yi kiliftef minkum ci yeen ya nga deug qala waxna ibn abbas moy abdullah ibn abbas ibn Abdul Muttalib Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib wa Jabir ibn Abdullah al-Ansari wala radiyallahu anhuma deng kon ñom ñaar ñom lan lañ wax nenañ top leen yalla top yi yenenti sallallahu alayhi wasallam ba par daani ñi nga xamantene ñoy borom mbir yi ci yeen manam borom kiliftef yi ci yeen ñoñu ñoy ñan la ñune hum ñom al fuqaha moy borom xoxum fiqi wal ulama ak borom xam xam alladheena yi nga xamantene yu allimuna ñi ngay xamal annas nit ñi maalima li aju ci xam xamu diinuhum seen diine lepp lo xam borom xam xam maalima diineem lepp seen xam xam diine yi ñokoy xamal nit ñi ñi ñom ñoy ulul amri ñi la yalla ne ginnaw bu mu tudde bopam ne top leen ñoo top leen yalla top yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñoña la ca tek yaa ngi deug wo huwa te li wax ji qawlul moy waxu al hasan al hasan moy kan bu ñu waxe ci téré fiqh wala téré hadith wala téré tafsir ñu wax al hasan kan la hasan bi xam ko def al basri hasan al basri wallahi allah salam de yalla buñ ne al hasan rek ba hasan buñ wax al hasan al hasan ci téré fiqh wala téré hadith wala téré tafsir ñu wax hasan neena xamul hasan al basri lañ ci djublu te mom gisoon nañ ci chapitre bi wessu wa nek ci tialale cheikh omari tasawuf tasawuf mom le biri weur lo ci mom wa mom pivole ci wa yeme sax wa mom mo jele ci sayyidina alim karramallahu wajhu jele ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam hasan al basri may xamna bu baax li nga wax degete bala ñu nek ay nitu haqiqa dañuy fess deja ci xam xam zahir mais lool la affaire bi fofu lan lu mel lool la d'ailleurs sax souvent serigne yu mag yi deug ni en general daanu ñu nangu nit di ñew jaayante ak ñoom te fekk parewul ci xam xam sharia yi ñu jëk ñu mag ñama en general daanu ñu nangu lool lool la imam ash-sha'rani wax radiyallahu anhu muna daanu ñuko nang parce que dañuy bañ nga dem bof après ngay préoccuper parce que obligé xam xam sharia dang ko wara xam après ngay dem di doga préoccuper wu ci lool mo ra da nga wara xoot da wor ci xam xam sharia ba pare ci xam xam haqiqa yi nga xam te ñom ñoy affaire tasawuf ak yoy nga am ci une bonne initiation nga doga dem wuti ci serigne bobu nak legui mo lay tek ci yoon bu yobula min ha tabahuru deglu fi ilmi shari'ati ma علم الحقيقة من قبل رياضاتي voilà donc lool la avant bon da ngay dik khout d'abord ci xam xam sharia yi ba xam xam haqiqa yi et cetera comme ça ma ñam déséquilibre si ñam cheikh salahuddin radiyallahu anhu radiyallahu ta'ala avant daanul jox werd ko xamantene mokalul ay hizb yu bari ci alquran ba pare mu gis ni ci fiqh tam def ci khut ci xam xam hadith mu jang ci yeen ay xaw ci sori daanu ko nango jox wer avant legui la am ben ki mais avant daanu def lool manam pour wax la effectivement waaw hmm ko lu am solo la kay moy geustu vraiment pour am xam xam sharia ah c'est maintenant nak lolu teki wul ne fek ago fofu do jël werdo wala do nek talibé wala yoy dedit mën nga defé mais dañ lay xirtal ci nga dem jangi voilà kon lolu momay qawq wa khal hasan basri ak ad-dahhak dahak talib ibn abbas la imam ad-dahhak o mujahid mu ak mujahid tam talib ibn abbas la unzur khol al-lubab moy al-lubab tir tafsir la muna waqala kon lol mom moy waxu ni kon da fay wax ne lim beug wax fi moy sa borom subhanahu wa ta'ala bo xene top len yalla top yent saasam top borom mbiri ci yeen manam moy ñi nga xamantene deug ñom ñoo fa parce que yalla yeenante bi sallallahu alayhi wasallam ñi ko fi taxawal ñoñu ñoy ñom lañ wara top te ñoñu ñoy ñan ñi ñu wara top ñoñ ñoy ñan mune moy borom xam xam yi nga xamne dañu fess di jangal nit ñi seen diine ñoñu la te lolou mom la ibnu abbas wax radiyallahu anhu ak jabir ibn abdullah ak hasan al basri ak dhahak ak mujahid deng ak am nañ ak ñeneen tamit wa qala waxna ta'ala sabrum subhanahu wa ta'ala waxna mom tamit batay suratul an'am ay 165 munahu alladhi ja'alakum khala'if al ardi huwa mabur yalla ja'al ladhi moy ko xamne ja'alam ko mo len def khala'if ngeen nek khalifa al ardi suf muné wa fil ara'is bo demé ci ara'is ara'isul bayan voilà ara'isul bayan voilà ay limu ci nam moy ja'altukum defna len khaza'ina ngeen nek ndoxantefu manam magasin djoudi wala trésor khaza'in wala moy trésor wala magasin wa wala doxantef moy magasin djoudi sama tabe minal ma'rifati ci ay xam xam nit yalla moy ma'rifa wal mahabbat ak tiofel wal wilayat ak wilaya khulafa ngeen nek khalifa al alam aduna bi baada ginnaw modi rombu ak dahra dir gi wad daharir ak dir ya mom ba jamono rombu ak yeneen jamono wa takhlubu temu not al falak manam ngunuy ad dawar manam werwerloy wal qurun ak jamono yi manam moy siècle al madiyat yey wessu manam gannaaw bi nga xamantene jamono yi dañu rombu aduna bi werwerlo lol la manam bir mi wer di delu ci wat jamono yi di dem generation yi di rombu yeen ngeen ñew bi ngeen ñewé nak yalla def leen ngeen nek khalifa yi ci kaw suuf ci waaw wa manam mun legui non en virgule bi waru won nek fi fe la waron nek ci ginnaw mun wal qurun kon fi moy wax ju bes la wal qurun xew jamono yi manam moy siècle yi al madiyat ya wesu famin amna ci ñom ño xamne muqassamun sedelef na la ho ñel ko ar risalata risala mu nek ab rasul yenent bu ñu yone war nubu wata ak nubu wa muy yenent bo xamne dañ ko dafa solo subhan rabbi kérok la doon gis ci lataiful minan bu al imam ابن عطاء الله الاسكندري رضي الله عنه مساله بو خامني تي ديغنتي رساله اك نوبو لا خامتني دام موسون جابني تي بيا باي لا بوك لول مو خنا رسول كاي ген ndekete mais ma gis effectivement ni mou dougué ci masala bob ci la xamné lima ci musone japp yep dara wëru ci lima ci musone nima ko japp won wëru du non Allah ma xamné du ni ndekete man ba paré li gëna graw moy du man kessé parce que loolu la wusa dégg non la wusa non wusa xam mais mom mais ba paré li ci gëna yéwé moy dama gis ni mu waxé dafa mel waxam mom tamit wax joju wax ju siwula en tout cas ci ni mu waxé daf parce que daf ni amna aji wax ju wax né manam moy wané né kon wax joju wax ju faible la né risala rasul moy ku yalla yoni nabi moy ko xamantene am yenente la mi yoni wuñ ko dafa am rek message mi yoni wuñ ko mom ci bopam rek layam mono dedet alors que du lol ndax aya bi na ma arsalna min rasulin wala nabiyyin illa idha tamanna alqa ash-shaytan fi umniyatihi gis nga manam yonnuñ ma arsalna yonnuñ min rasulin ci yonantu manam ci rasul wala nabiyyin du ci agen nabiy manam moy wonani kon rasul ak nabiy yeb dañ leen di yoni kon rasul dañ koy yoni nabiy dañ koy yoni D'accord. Alors que, wow, c'est vrai que bonne Rasoul, moi, un prophète, nous l'envoyait. Voilà. Bonne Nabi, moy un prophète envoyé à un peuple avec un message. Voilà. En tout cas, voilà donc c'est-à-dire que moy un prophète messager avec un prophète envoyé. Envoyé. Wow. Un prophète envoyé avec un prophète messager. Wow. Voilà, mais le message buñ ko taxé message pour lan la? Ah, parce que bonne rasoul en tout cas ci niñ koy déggé moy mot bi défé gina global alors que bonne nabi da ngay préciser effectivement c'est un prophète messager alors que bonne rasoul voilà. C'est plutôt global c'est un prophète envoyé ouais mais entre le messager et l'envoyé lan moy différence ah fofu nak mom amna téxantal voilà donc voilà c'est à dire que recevoir nouveau le moy grâce yonent mais mom dafa ni entre radiyallahu anhu te wax ju deug ou Allah dama yimu ci yalla fek mu don wax nan ulama ummati ka anbiya banu israël mom nak hadith bobu dafa indi manam nimu ko waxe moy dafa ko deugural dafa deugural hadith bobu donte hadith la bo xamne dafa daif mais nak mana bi mom werna parce que day wax ne yenenti Allah daf ni yenenti yi nga xamantene bo xolé yenenti yu ñukki yenenti manam sama borom xam xam sama xet yenenti sallallahu alayhi wasallam comme anbiya yu wa banu israël la te waxul comme mursaluna wala rusulu banu israël comprends nga mam ne bok ci banu israël te nek ay anbiya sama borom xam xam xet comme ñoñu lañ mel ñu nek ay ambiya mam ñu yor graaf nu bo kess lu yenenti sallam le fait que waxul comme rusul yenenti sallam moy ne hein manam moy wanani manam lool dafa am sew bu ci am sew bi moy mom mu ne imlatallah rahimahullah radiyallahu anhu mu ne sew bi moy bu fekkentene da nga ni ulama banam borom xam xam yi comme anbiya mune parce que nabi ak rasul li len woutele du le fekk yoni wuñu len ci peuple du lolu mo len woutele en realite li len woutele moy rasul day indi message bu bes moy risala lettre day indi lettre risala moy lettre day indi ab bataxal bo bes bu muy indi ci peuple yi non dañ koy jox tire ni message bu bes ñeu war ko doxal alors que nabi même bu dé dañ koy yoni ci benen peuple tamit day jël message ni ko jitu won mom lay continuer di yo manam yenen ti bi ko jitu tire bu indi tire bobu lay jël diko doxal comprendre mom lay jël continuer di doxal lool comprendre nako donc c'est à dire man amna ben ay bu ko wax ci suratul maida moy affaire bi dañ ko inverser niñ ko woron jappé wuñ ko nonu voilà moy dañ ko inverser en fait c'est à dire rasoul moy ko xamné ni mom bu ñëwé dañ koy jox message dañ koy jox message jox ko téré bu bess jox ko téré bu bess wala lettre wa bu bess wa koku moy rasoul wa en tout cas un nouveau message bu bokut ak message yu ñëk wa bu bokut message wa mu ñëk bu bokut ak message yu ñëk alors que nabi wa bon bu ñëwé day nekk yonent mais ñëlé luñu woté loolu lay continuer di woté donc en fait mom madame c'est la continuité voilà c'est la continuité c'est un héritier de l'ancien message voilà mon magnifique voilà mon fi nek mo fi nek nak diko doxal en tant que yonent voilà légui nak c'est me dekkati man dima jappal baxul tax légui nak ndek worom xom xom yi nak te d'ailleurs amna ay bu ko wax ci ki sama xel mi ngi ci doga def bu nek suratul maida moy bi mam bi mustahfidhu min voilà mun at-tawrat mun fiha hukmullah yahkum biha an-nabiyuna alladhina aslamu gis nga tawrat at yalla bi nga xamantene mom la manam yahkumu biha manam ñi ci atté wo moy annabiyuna yenante gis nga alladheena aslamu warrahbaniyuna bima tahfizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada wa inna anzalna at-taurata fiha hukmullahi yahkumu wa yahkumu biha annabiyuna alladheena aslamu min warrahbaniyuna alladheena warrahbaniyuna bima tahfizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada wala ay bobo yalla ne ñun ñoo wacce tawrat atta yalla bi nekk ci ñi ci atté wo mo ñan mu ne annabiyuna yenante yi gis nga ay yenante ñoom dañ ñew kon ñi ñew ci yent yalla ginnaw yent yalla Musa alayhi salam te nekk ay yenante ñoom tawrat lañ jël ay wo gis nga tawrat lañ jël comme livre diko doxal te pourtant ay yenante lañ mais gis nga ñu ci atté wo ci nit ñi diko doxal ci nit ñi kon moy wala ni yoni nañ len parce que su doon pour ñom kessé la dañuy tok seen kër kessé ndax message bu wacc kessé kon ay bobu nonu wax joju du won mën deugër manam kon nga gis ne limna ta'ala wax effectivement day daldi kuma day daldi gëna deugërat ci ay bobu sama xel ci ay bobu légui la ci dem mais limna ta'ala mom benen ay radhiyallahu anhu benen ay bi la jëfëndiko won moy wa ma arsalna min rasulin wala nabiyyin moy wala ne kon rasul nabi day nek day kuñ yoon ngay expliquer affaire bi voilà mu trouver nga ko benen lay wala alhamdullilah alhamdullilah day tax ko xam gina deug voilà yalla yalla fayal ñuko amin radiyallahu anhu legi kon nabi day mel non tamit manam mom tam dañ ko yoni legi pour revenir ci suñu wax ni bo xolé borom xam xamu xet bi nak ñom dañoo am rôle bi yenente yu ñëk ci amone ñi dul won rasul mais nek nabi kesse manam kurul rasul mais nek nabi ci ñu ñëk ñe rôle bi nga doon jouer borom xam xam xet bi rôle bobu lay jouer comprendre wa parce que ñom lan lañu def dañoo fekk message bi yenente yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi ñu jël ko ñom tamit diko lan doxal yalla yoni leen ñukoy doxal ci bir nit ñi à travers les voilà génération Allah Allah non gis nga amna ay wax bu gis nga wax ji ni motax comprendre na lu bari amna affaire yu ma lantone ci cherif bi di expliquer ci affaire bobu digeunte borom xom xam yi nabu nubuwa tout ça ak ci bir xet bi le fait que yalla def fi ño xamantene grat nubuwa yoy lañ am affaire bobu dafa dan compliquer sama bop pour ma comprendre ko mais wallahi alhamdoulillah min buma comprendre li dama dan comprendre wax yoy yep alhamdulillah alhamdulillah wa de dara dis on dan mo je me disais dina ko musa comprendre alhamdulillah alhamdulillah tolu way rek la mais day am farfar lo xamne ben affaire bu ndawla mo lay moy bloquer sa compréhension bis bu affaire wo deñe rek sa lu bari sa compréhension ci lu bari di ubiku affaire yu bari leer sa bop mais benn buntu la rek bo xam tane fo buntu bo ngob biko alhamdullilah alhamdullilah legui pour revenir wa amna kon ñu jëk ñi ño xamne risala lañ amone wa am ño xamantene nubu wala ñ amone wal mulku am nguur wa sharaf ak teranga ha way wa ma kana lepp lo xamne nekkon na lahum ñeel leen fi sab ci jitu asabiq ga jitu ga wawul amr ak borom mbir ya yakuna da nek lakum ñeel leen ya khulafa al anbiya yeen ñi nga xamne yeen ay khalifa yenenti wa sidiqina alayhi salatu wa sidiqina ak sidiquna ñi am martaba sidiquna moy juste ñu tok ci yeenenti alayhi salatu wa huwa mom yalla alladhi moy nga xamne ja'ala mo def wa ja'alakum mawlan def khulafa ngend khalifa mi fi ardi ci soufam se ka adama ke mam adama wa nuh ak nuh wa ibrahim ak yentale ibrahim wa musa yentale musa wa isa yentale isa alayhi ala nabina wa alihi afdalus salatu wassalam yalla def len ngend nek khalifa yi yalla khalifa mi ci kaw soufam ci kom mam adama comme yentale nuh comme yentale ibrahim comme yentale musa comme yentale isa alayhi salam wa zalatum yok sharafakum senuk teranga bi sharafi ci terangay nabiyukum senuk yenen ala jumhur ci ni upp ci ñoom ñoom ñep ni gëna bari ci ñoom manam moy lan yalla ginnaw ba mu len joxe terangay ngeen nek khalifa ci kaw suuf comme nimu ko defé won mom adam parce que non la bo len doone rek bo nek boko ci sen doono yu bok ci sen khalifa yi mu jeex legui mu dess Allah yalla yokal len teranga ndax terangay senu yonenti yeen ay sallam xam nga avant ñu ñëk ni xéddu ñëk yonenti ñëk yalla sallam avant yonenti yalla muhammad sallam di ñew sallallahu alayhi wasallam ku nek khalifa yalla ci kaw suuf ngay nek khalifa yalla mam adama inni ja'alu fil ardi khalifa wax ne ci kaw suuf la khalifa ci kaw suuf yentu yalla daawud no ay sallam ya daawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ya daawud def na khalifa ci kaw suuf nitu yalla yi wak borom xam nitu yalla dañ wax ne maqama khilaf riji mu reysa taxna bo bo xolé yenenti alayhi salatu wassalam ñi ñu ko tuddé nga xamné yalla wax na leen nomémané yeen khalifa ngeen ci kaw suuf bo xolé sen tour yi xarafi duñu laalante adam amul benn xaraf bu laalante xola a dal mi day takal ko daawud non la mel da u da jax affaire du laalante tellement manam pour wax la deug affaire ni mu reey ci ñom ba xamne seen tour yi sax duñu laalante ngir ne manam xarafi duñu laalante ñu jëk ñom ñep alayhi assalam khalifa lañ doon ci kaw suuf ku leen doon ci seen jamono ci seen ci ñu ñew seen ginnaw khalifa nga daan doon ci kaw suuf bo nekke khutbu ñu naan khutbu jamono jojja mo xam yenen nga wara do yenen alayhi assalam khalifa yalla ngay doon ci kaw suuf wa yenen te bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé sallallahu alayhi wasallam mo nek khalifa yalla ci naka jek sax moko nekkon en fait ñi dañu yoron secret bi ci kaw suuf mais yenen te yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé dafa jëlat secret bobu boole ko nak andak lamu mësa doon nek khalifa yalla ci univers bi fa ci kaw suuf kesse wa ci mbolam nek te fi وما ارسلناك الا رحمه للعالمين استوى في بوكسا ان ميزيكارد pour l'univers voilà non nous t'avons envoyé afin que tu sois une miséricorde pour tout l'univers en tant que t'avons envoyé pas afin que mais en tant que en tant que gis nga différence wa gis nako wa ok manam yentou bi sallallahu alayhi wasallam mom ci bopam moy jëm yërmande pas pour mu nek yërmande mom moy jëm yërmande wa wa wa gis na terme bi voilà ñeël mbolé minde fi sallallahu alayhi wasallam ah de telle sorte que kep ko xamantene yalla moy borom mom moy khalifa yalla ci koku de telle sorte que kep ko xamne yalla ko mom mom moy yermande ji nga xamantene moy secret yalla bi dawal la lola yermande gi ndax lepp ci yermande yalla la amé wa kay legui ñi ñew ci ginnawam nak doon nako ñom ñepp lol taxaway bobu lañu nek lan khalifa yalla fan ci univers bi Allah légi kon jamono yi lu muy rombo bo xolé amna yu mu tuddu dañi kon yalla mom mo len def yalla ne bo gisé mu ne def na len khalifa ci kaw suuf moy limu la moy mo len def ngeen nek manam magasin yi nga xamné yena yor terra manam yena lambo yena dajalé li nga xamantene mom moy tabem xam nitu yalla yi ak tiofel ak wilaya gis nga critère yi mu tuddu tabe yalla maarifa ak mahabba tiofel ak wilaya kuy jëkënte nak jëkëntil ci ci motax ngeen nek xol mu ne khal khulafa al alam khalifa aduna bi legi yamatul ci souf si rek mais aduna bi ginnaw ba dekk yi manam ba diir jamono yi rombe mbir yi weur weurlo yeen khalifa yalla ngeen ci ñan ci lan univers bi alors que xéet yu ñëkke dañu am ño xamne dañ leen téerélé woon ak risala am ñu téerélé nubuwa am ñu téerélé nguur am ñu téerélé taranga ñoo hein ñoo ñoo fi jitt woon ñoo fi waye yeen ñi nga yeen nak ñi nga xamne ñoy borom mbir yi ci yeen deug dañu war leen top ñoom nak dañuy nek ñoo yeen nak yeen ay khalifa ñan khalifa yi yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam siddiquna yalla nak mo leen def seen khalifa ginnaw bi nga xamantene ñi ci kaw suufam ñoom mom adam ñoom yenenti yalla musa yenenti yalla isa sallallahu yenenti yalla musa yenenti yalla nuh sallallahu ñoom ñep rombu nañ fi nek khalifa yalla ci kaw suuf yeen ngeen boole doon leen ba pare ci sen barke teranga gi yalla defal sen yenenta ali sallam ngeen wolbuti ko lant univers bi nek khalifa univers bi wa okay ngeen am teranga gu reuy ci kaw ñeneen ñi ci dess motax meme yenenta ali sallam bo xole lool da ngay gis bok na ci sirru yi nek ci yenenta ali sallam ñe xetu sayyidna muhammad sallam bu bëgg ci bok ñoom ñep ñu bëgg sax baña nek yenenta mais nek ben simple membre ci bir xet sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah wa qala wahna mom batay kan inda qawlihi ibn abbas dedet borom ibn atayla iskan dedet borom araisul bayan wa moy kan al warta jibi okay imam al warta jibi al warta jibi radiyallahu anhu wa qala wa ahna inda qawli fa borom bi di wax mom subhanahu wa ta'ala di kawaji ci suratul a'raf ayat 142 mun wa qala musa li akhihi haruna khulufni fi qawmi wa qala wa ahna musa yanti ala musa ala nabina wa alayhi afdalu salatu wassalam li akhihi ndel mokam ba manam freram ba haruna alayhi salatu wassalam khulufni wutuma fi qawmi ci sama nit muné qala wahna muhammad ibn hamid rahimahullah lam tazal musul de al anbiya yenenti alayhi salatu wassalam wal awliya ab waliyin khulafa lam tazal musul de lil anbiya di ñeel yenenti alayhi salatu wassalam wal awliya ak waliyin khulafa ay khalifa takhlufuhum yulendi wutu fi man ci ñi nga xamantene baadahum ño nek ci seen ginnaw min ummatihim ci seen xéeri wa ashabu ak seen andoya sa su ne dem yent yalla musa sallam ak ñi nga xamantene ñoy wallu yi sa yuñ fi juggé dina am ño xamantene ñom ño leen di wutu wutu leen ci seen biir xéeti wala talibé ñu daal nek ñu nekkal ak ñi nga xamantene ñom ñoy seeni lan seeni andal looy ndan andal il faut mu am kuy taxaw di continuer rôle di jouer rôle ki fi nekkon lim doon def il faut mu mat ko mu am ko mat sekk ko xamne day doon na affaire bobu teye ko nek khalifam wa yakunu mu nek nak hadihum seenu seenu njub wala hadiyum di teggu ci sen kaw njub ñom ya ah yahfazuna ñuy ar ala ummatihim wattu ala ummatihim ci sen xéti ma li nga xamantene hein lepp lo xamne yudayuna ñang koy neenal min sunna ni ci seen yoon seen sunna lool tamit dañ koy def kon dañuy wotul seen xéer yu tamit lepp lo xamantene dañ koy neenal ci seen sunna wa seen yoon seen njub munewa annat li wer bo wonna li wer mo Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu huwa mom al-qa'im moy aji taxaw bi hada al-maqam ci bobule maqama bobu la taxaway ba'da nabi gina yenente bi sallallahu alayhi wasallam ittaha fi wax jema sa su nek lol lay am manam bu fi yenente bi sallallahu alayhi wasallam fook mu am ño xamantene dañuy taxaw taxawayam rôle yim doon jouer ñu koy alhamdullilah ñu koy jouer di taxaw taxawayam affaire yu avancé nga xamné ño nit ñi yi ñi neenal ci diini ji ak ci njub gi ñom ñu taxaw pour réveiller wat ko déclarer ko ñu taxaw pour dundal ko ñu taxaw pour wanat ko nit ñi ñu taxaw pour joxoñ ko ñu taxaw pour tek ci seen baram tek ci seen tank di ci daw nit ñi ba paré ñom ñu nek ay point repère yo xamantene ñoy tax manam ñoy tax nit ñi mëna gindé ko lool fokk muy am taxaway bobu nonu nak comme nim ko expliquer day laaj xam xam nit bu xamul lu muy wax wala lu muy gindé du mëna gindi nit ñi ko xamantene tay mom problème sax affaire ni ñu défaré julli gi ni xam nga dafa am ben problème bu non moy su fekkete ne man damay soxlu damay am yaakar ci nit yaakar ci mom ci sama walu borom wax deug yalla warumako warna am xel mu dal bo xamantene man yaakar na ni luma ko laaj ci sama walu diine luma ci jaaxal duma ne day xam lepp parce que nit la ndax nit mom fokk mu am yu reer mais sama xel day dal ci limu may tontu manam lo ci am doute wa parce que lutax duma ci am doute moy dama xam ni ku xam xam bu woor lay waxe lu leer nañ la wax té limi té manam dafa mit dafa am mainmise ak maîtrise ci affaire yi mais boku tak ko xamantene day jappatu ak lambatu boku la ko xamantene tay munu mu ko wolu manam man sa wo bu ko beugé laaj damay nopi da damay ragal mu wagn ma tontu guñu légui man nan lay beug wolu butiko nak gis ku mel non mo bëgg ko jappé comme si bu ko tapal garatu ndono donno ndono gi wala yu ko jega bu ko jappé ko xamantene warna mëna nek roy kay tak tak ko sama kanam mu dima joxon njubal yenenbi sallalahu alayhi wasallam lolou du mëna nek ki may mëna joxon njubal yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wara nek nit ko xamantene au moins dana mo meuna tektal yoon bi yi nga xamantene mom moma jaaxal ci mbiru diine ji au moins dina ci meuna ubbi sama ba dana ma ci meuna gindi meuna nek ko repar yalla ñu yalla sam waaye ko xamne dama koy ragal laaj sax ndax man mi sama bop man dama ragal ni peut-être ko ma gëna xam affaire wala buma waxe limay wax mu leer ma ni limu buma ko laaje buma toto mu leer ma ni limu toto du nonu ko kay mo mo wara top sax ko mo wara top sama ginnaw wallahi lolu deug la ah yalla ni yalla sam amin ya legui nak ñooñu nonu cheikh omar radhiyallahu anhu wa ana man cheikh omar walhamdulillah walhamdu mbolam xaju tanti sant deug deug lillah ak sax la ñeur bur yalla nak waye mi man bok na ci nga xamne nak xama dañu taxaw bi ci mbir mom deug deug rek hein parfois da ngay dir sa loxo door ko ci table ji bu non la ko tuba bi wax waaw hein okay taper du poing sur la table. Ah. Voilà. wax na ay la yeen li xewal deugul alhamdulillah alhamdulillah wana wa ana walhamdulillah mimman qama bihi bokku na ci ñi taxaw lool bokku na ci wallahi bokku na ci wallahi wallahi bokku na ci radiyallahu anhu wa ta'ala wallahi bokku na ci wa minha bokku na ci li wana ne taxaw na taxaway ko annani nak man kar walhamdu wolam khajanti deug deug ci tadillaahi ci sax la lay bur yal benen preuve preuve bu ñëk wi lan la won moy mom bokku na ki ñu doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xam xam ok xam xamu sharia ak haqq tay yeb mu xam ko maîtriser ko ba pare jikko ko ba pare tafa wala ba pare taxaw nak ci di diko leral lolu ben la boné motax xam nga say mi ngi commencé guenne affaire yi mbir yaangi tambalé bëgg lèr dé hãn wallahi hãn buñ lay topal garat day fekk nga mat ko wallahi deug la boko doonut gaay dañu xamné dañu gaay dañ lay nax dé wala yow boko wota sa bop dañu xam da ngay expliquer rek effectivement ok ya nañu yalla sam amin ya rab amin lol preuve bu ndeuk bi joxe nako preuve zahir la wala preuve batin la bi il est preuve zahir zahir la amna benen bu muy indi bop tamit preuve zahir la wa min haati bok na ci ne annani nak man li wer bu wor moy walhamdu mbolam xajjan deug deug ci allah sax la ne bur yalla ma khalatu duma jaxso as-salatina buri les autorités temporales doumay jaxaso ñom nek seen xarit di ci yoy yoy du fum door de d'accord duma def sa yu bëgge def sa xew wala yoy ni ah fogg wax ko bur ñoo jaxale ma ci nangam nangam duma def di sama courant buma ko fayut néna na ma bour di fayal courant ndax buma ëmbëlé sama soxna sama sunguf dana ma ëmbël sama kersa bu fekkenté na mo moy fayal courant ak ndox momay jox li nga xamanté na mom lay def ci sama xew yi moma al beutem fi ko neex lay xol bour nak kay mo wax la ben affaire un politicien abadan mu defal la dara ngir japp ne rek yalla tax affaire mom ah non man dina jël xaliss bu tollu nonu diko def ci yow pour zéro c'est vrai que mom day war de amna ben problème bu am suñu yagi dugati gay non duguma non problème la rek bo xamné dañ koy souligner djubluuma ci critiquer mais dama ci djublu rek ubi ki bi manam def ben genre manam nit wax nit affaire bi dañ gis ngeen li nuru no problème de nañ ko bayyi xel en tout cas surtout pour le futur d'accord un rappel dal voilà exhortation rappel wala tek dal ben djundju ben problème bo xamné xewna dans le passé lolo fi xewon té lolo nañ ko moytandiku en tout cas dans le futur té ñu gën ko bayyi xel té yaaka nañ sax peuple bi ci bopam ñoko bayyi xel légui moy bo xolé gis nga depuis l'indépendance depuis l'indépendance 1960 waaw avant sax bi gaay commencé moy sen ki yoy rek élection yoy gaay li def digënté ñom Lamine Gueye ñom Senghor ñom Momadou Diaga yoy avant sax bien avant sax surtout Lamine Gueye ñom Senghor gaay yoy bo xolé tout le temps da nga gis politiciens dañu dem convoiter marabout yi manam serigne ci autorité religieuse dem séti di len musicien bu nek nak bu deme ci marabu ci serigne da nan ko yama fal ba legui lolo du deug ba bu yagul lolo xawno gaay dañuy dem ne serigne bi bu dul won yow sa ñaan yi motax ma fal ki nangam nangam wala bien sûr wala ñu dem ne ko jappale ko wala nañu serigne di jappale wala yoy non ñu fexé dal ba gaay jappale bo bu jëk ba dañ tan joxe ay consigne de vote légui consigne de vote marché tout alhamdoulillah gaay comprendre dañ ko sax serigne ci seen bop xamnañ ni consigne de vote marché tout mais buñu xolé fi problème bi nek nak du fofu problème bi fi mu nek deug deug moy le fait que bour bi de près ou de loin dafa nax serigne bi parce que nim ko naxé moy serigne bi dafa fogné manam mom dafa comprendre le bour bi bimu ñëwé xam nga bour bi day ñëw diko jëma wax manam ay intérêt politique même bu fékénté na xeyna dana tuddu diiné wala tuddu lam comme yaakar mais suñu sétlo amul bénn motif religieux bu laxasu ci ginnaw motif religieux doon won laxasu ci ginnaw abadan té sëriñ bi nak liko waron yittel moy motif religieux nan lañu fexé ba diiné ji dox nan lañu fexé ba jikko yi duñ yaqku nan lañu fexé ba l'islam am place ci société bi muy gëna avancer lool mo waro yittel sëriñ bi du dog mais su fekkante ne marabu bi day ñew fexé ba sëriñ manam ki bi bour bi manam ki politicien day ñew fexé ba sëriñ bi ak ñamu andal jappalé ko ba mu gagné té bu gagné mom lamuy samp ak diko doxal diiné waxu ci dara lool muy moy naxna serigne bi te bo gisé nak politicien bi di dem di sété ji serigne bi c'est pas parce que dafa gëm li serigne bi yox dédét c'est parce que serigne bi ay nit ñu bare bare ño nekk ci ginnawam manam ki la lan lañ koy wax moy ko xamné porteur de voix la serigne bi porteur de voix la li mo yor politicien politicien bi se diine ji nga yor ak sa course gi nga yëngal amul ko solo de liko amal solo moy yow porteur de voix la té lolu ke nga nek le nombre de personnes qui sont derrière toi nit lolu ko ñor ñaata nit ño top sa ginnaw ñaata nit ñoy ño xamné yow bo waxé daan dig ñaata nit moy ñi nga xamanté ah dig wa lolu de li ko ñoro mom leneen ñuru ko du deug ah lolou motax bo xolé so xolé ñom ñep lolou lañ doon def ci kër serigne ci effectivement pouvoir bob bu ko serigne ci perté politiciens doot ñu leen gissati doot ñu gissati politiciens li té politiciens batay ci pouvoir ci di gaay diiné lolu la de moy nek ci ginaaw rek nit ñi la maintenant ki bi marabu bi mo warona fexé nak bobu lolu xewé mu doxal lan mom mu fexé mom intérêt ne ci voilà té intérêt moy intérêt diiné ji ñu taxaw taxaway yenen tibi sallallahu alayhi wasallam de manam moy diine ji mo lay ñor nan lay avancer la amul leneen lu lay ñor diine ji mo lay ñor lan la mu avancer manam waxumako pour critiquer comme ni waxa mais c'est pour nit tombe bobu waaw waaw pointer du doigt voilà ñu né ah fi dé ça c'est vrai que y avait un souci dans le fonctionnement voilà bon y a un petit souci dans le fonctionnement donc voilà nañu ko des autorités politiques voilà par rapport aux autorités voilà bon, en fait les autorités religieuses ont été exploitées tout simplement il faut dire ce qu'il en est c'est à dire que dañ leen exploiter dañ leen nax légui nak lan xam nga lan moy résultat bi tay résultat bi tay moy tubab bi manam l'autorité coloniale politique fexena ba limu beggone ci ay idéologie yépp mi ngi fonctionner ba tay wa motax tay mom mom former nañu melni mom wala ñuko raw l'autorité religieuse mom formé wul ku melni mom wala ku ko djégé et ça fait affaire de hein ya souci ya des soucis ya ya wala am déséquilibre bu mak ya déséquilibre voilà tay bo xolé nombre de personnes bo xolé il y a 60 ans ci gennaw nombre de personnes ñu mala ni nga xamantene non la manam surtout socialement idéologiquement culturellement même ci plan civilisation plan comportement yi bo xolé ni politicien bi nga xamne mom tubab bi moko ki hein moko sab moko jangal moko former def ko khalifam hein deug mom khalifa tubab bi la hein ñu deug la deug la bo xolé mom ni mu jouer role ba tay resultat bi mu am nga comparer ko ak l'autorité religieuse manam mom déclin bi mu am ak résultat ni mu ñaké résultat ak jikko yi ñu ki ne yaqko c'est vrai da gis ke ya un problème benen erreur bi nak moy le fait que politicien bi mom non mais politicien bi dal fexé na ba exploiter serigne ci serigne bi manam politicien bi fexé na ba exploiter serigne bi ba jël ay voix yam soxla ci mom té serigne bi nekul ben yon un acteur politique effectivement c'est à dire que mom tout est fait à son insu mom loi yi ni voté yonam nekul parce que yonam nek manam gaay ñu mom moy politicien moy def limu def bëgg def yépp serigne bi mom fer ak lay tok manam mom dal kenn duko soxla lulul buñu waré réguler affaire bi socialement manam politicien bi dem na ba jax rek mu né na serigne bi wax ci affaire bi effectivement parce que étudiant yaangi grève légui voilà ya un souci nangam ala na serigne bi wax bu ko defé gaay parce que c'est là que batay day délu ci wat ci voté bi manam effectivement lool la ko soxla pour mu socialement manam mom mu bañam problème en tout cas ci bir politiqueum waaw donc on fait serigne bi day nek genre tampon entre mom ak population voilà bu problème amé voilà gaay buñu commencé bëgg dal ci kawam jël sérigne bi tek ko en tant que barrière voilà tampon voilà sérigne bi nak wax bu waxé légui nak ñom ñom exactement légui mu dess sérigne bi mom lu bëgg doxal té muy diiné mom politicien bi da nan ko amo sax droit xalat ko ci walu réew mi bu ko sax xalat sa assemblée affaireu diiné bokku ci loi yi ñu voté ñun xamuñu lolu bul fi wax waxi diiné bu ko fi tudd bu ko fi ngang bu ci sa xel dem té mom lañuy exploiter kat mom lañuy utiliser pour lenen lu nek wayé mom du lan du acteur politique mom du acteur politique lepp dañ koy def ci di mab li nga xamantene moko fi tax nek mom muy serigne bi ngir dundal li tax politicien bi nefi mais est-ce que li mo wax dafa exagéré wala dedet moy c'est la stricte et la réalité et la c'est ce qui s'est passé c'est la stricte vérité et la stricte réalité xolal ci ngay xamé cheikh omar radiyallahu anhu limu yewoo ak nimu fouté cheikh radiyallahu anhu comprendre problème bi xolal tay problème bobu fimu yobbe tay problème bobu non fimu yobbu deug mune man anni la uhibbu mune man mune kon ma khalatu jaxasum ak salatina buri bo autorité politique wala uhibbu te soppuma man kep ko xamne yu khalatu mi ngi jaxaso ak ñom bëgguma man duma jaxaso ak ñom té ku len kuy jaxoso ñom man soppuma la bëgguma la wa fi nek na ci téré bu ñu tabyinul maharim mais téré bo xamne day léral yi haram yi muna anna nabiyyu nek yenenbi sallallahu alayhi wasallam neen qala neena khayrul umara ni genti kilifa yi manam ñi nga xamne ñum ay autorité politique la alladheena moy ñi nga xamne yatuna dañuy dikki al ulama borom xam xam yi comme Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu ñu daan dik borom xam xam yi dañ daan nek ay kiyum xamne day ñew ci borom xam xam yi ay conseiller voilà c'est conseiller c'est ñu la voilà ñu leen dikki wax nan fan lañ wara tek sen tank et cetera bu doon lolu kay le politicien bi doon doye bu ki bi serigne bi gis nga problème bu doon mais gis nga contraire bi nak mune nak wa sharrul ulama yis ci borom xam xam yi nak alladheena moy ñi nga xamne yaatu na dañuy dikki al umara ak khalifa yi manam autorité politique al ulama borom xam xam yi umana ar rusul ñom ñoy ñi nga xamantene ñom la yenenti wolu alayhi assalam ala ibadillah ci jaamu yalla yi yenenti alayhi assalam biñ fi joge dafa am ñu ñu baye seen ginnaw moy borom xam xam ñom lañ wolu won pour ñu lan pour ñu assurer les derrière manam ñu remplacer le ñu taxaw seen taxaway waye lola ma fek lam yu khalitu jaxaso wuñ ak as-salatin ak manam kilifa yi moy autorité politique yi moy bour yi fek jaxaso wuñ ak ñom rek fa idha fa'alu way buñu defé zalika lolé faqad deug deug khanu wor nañu ar-rusul yannati yalla sallallahu alayhi wasallam wor nañ le trahir nañ le effectivement kon nak fahdharu na ngeen len moy tedeku wa tazilu mu na ngeen len beru moy tedeku len le na ngeen len beru rawa solo na li anas ibn malik radiyallahu anhu allah bur yalla ta'ala jika jamhu dahu wa anna bihi wallahu ta'ala wa sallallahu alayhi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin manam inshallah voilà inshallah fi lañu yam wa inshallah jotay bi di ñew ak dinañ gëna yéggelé wat ci zahir ben mo ci dess pour expliquer li nga xamantene manam mom moy li wone ni mom deug deug ci ñu taxaw ndono yenenati ala sallallahu alayhi wasallam la parce que xam xam la jëkke wa xam xam la jëkke après mu ñew ci ne mom kat diine moko ñor ba pare du jaxaso ak buri te sopul kuy jaxaso ak ñom te loolu am solo maintenant jaxaso bur en tant que tel nak du loolu mo bon bu fekente ne bur bi day ñew ci yow nga jaxaso ak mom ci dans le sens dang koy gindi comme bouri bu ñewé ci borom xam xam yi ñu di len gindi di len orienter di len tekki pour ñom ñu taxawal diiné pour bour bi taxawal diiné parce que nek bour autorité politique wala nek politicien du lolo bon lol tam bonul nek politicien bonul comme niko wolof yi yaakaare sénégalais ñom pour ñom bo dé naré def politique rek baxo wala politicien dédé bu dé lol la kay fu affaire yi bax ñi bax ño wara def politique bu ko defé ñu tek nit ñi ci yoon maintenant sauf que politicien bob day soxla ay borom xam xam day soxla teggu ci yoonu njub day soxla taxawal deugural diiné motax borom xam pour autorité politique bu fekké dafa djégué sérigne ci pour lolu dans cet objectif là est ce bobu politique pour bobu politicien hein est ce limay taxawal koku ci kilifa yu mak yi sax la bok ci walu yu ri la bok koku ci ñi taxaw taxaway yeen dim sa sam lay bok mais c'est un politicien la bo xam na da fay ñew ci marabou pour exploiter ko marabou mom tamit comme yewul ñu nax ko exploiter ko remettre ñu en cause c'est lu bax manam baxu marabou remettre ñu lool en cause mais li ñi wax ne moy quand même il faut reconnaître que manam xam nga nit nak du mat nit du mat day am yenn defo yi maintenant ça c'est un problème bu xew ba tay aujourd'hui gis nañu résultat bi limu mel ci gis nañu résultat bi limu manam bimu indi ci ci société bi mais il faut ñu reconnaître que li la xam nga dafa bok ci li tax dafa bok ci li tax nga mëna avancer moy nga xol sa passé lan mo ci nan la mel lan mo ci djub lu ci djubul lan mo ci ñaka jaar d'ailleurs histoire lo lay jari jang histoire jari ñul ay diw de mon na fi diw jugé na fe dem na fe après bamu jugé fofu ké déna bañ fa ki après ki mo ñew nangam ñu xamné lolu histoire bu won ay netali kessé amul jari mais histoire daf lay permettre nga xam li wessu bo xol al qur'an presque car bi da ngay gis ay histoire yenen la bo setlo ay yenen yalla musa yenen mam adam alayhi salam histoire mak iblis han ay yenen yalla musa alayhi salatu wassalam yenen yalla ibrahima yenen yalla lut ki nga xol yenen yi muy tuddu ci al qur'an ba bari répéter len ci sari parti al qur'an yu bari mu répéter len di wax seen histoire yenen yalla musa alayhi salam ak banu israël yenen yalla musa alayhi salam ak ñom fir'auna ak ñeneen ak ñeneen manam du gis sar yo xamantene saru lepp ak histoire kessa la ci netale comme sourate yusufa ay sar ak numu gudde ak yenen ak yenen nga xol manam ci ngay xame valeur histoire histoire dafa nek lo xamantene lu reey reey reey la hatta bi nga xamantene peuple boko beugé mab daangal ko fexel ba mu reey histoire su reey histoire jeexna mabal nga ko daanal nga ko duma nga ko tek nga ko ci souf am nga li nga bëgg lepp parce que après yow yaay ñew indi sa histoire nga expliquer ko yow ni mu la nexé nga jëlal leen ci leçon yi ñu ya nga bëgg yow ñom ñu top la ci lool jeexna problème bi nga xamantene nak mom mo am suñu jamono moy lool il faut ñu déllu ci wat ci comprendre ko histoire limay jariñ tamit du nekk fi rek na di idéaliser que wala wala ñuy critiquer du lol mais histoire limi jar rek moy ñuy tirer ay leçons comme li alcorane wax fi qasasihim ibratan li wul albab ci sen netali giñ leen de netali lan la ibra ngir jangala am jangat da ci am pour borom xel manam dañ ci wara tirer ay leçons buñu gisee nak problème bo xamantene dafa amone dans le passé il y a peut-être 60 ans ba légui et cetera légui mi ngi commencé à radiquer tout mais dañ ci jangat lolu remettre en cause ben yon mbaxu serigne diw wala serigne da remettre en cause lolu mais ay nit lañu yuy def ay am yu bari ñu bax la mais am nak côté bo xamanteni xeyna fay bi fa amone motax problème bi am tay mais il faut tamit ñu xamné li moy problème té ñu jëma tirer leçon yoy génn mais il faut pas que ñuy ñu bëgg rek di persister ci problème bo xamantene duñ ci mëna gën parce que tay yow problème bo critiquer sëriñ bi né ndax dafa amone relation ak nguur gi en tout cas ci peut-être que ki moy reuy rek moy wouté peut-être angle yi ngay xolé affaire ñoy wouté wala yoy mais c'est le même problème bu xewon peut-être que sëriñu tay mom day manam yenn ñi motax may wax batay duma jël ñëpp mais ñenn ñi par exemple dañuy am lan dañuy am yenn dañ manam ci ñu tay ñi la wax manam ñom dañuy profito matériellement alors que ñu jëk ñi doon ñu won profito matériellement ñom dañ leen doon nax kessa mu jeex wala bo xolé tay motax même amna ben wax bu cheikh ibrahim niass radiyallahu anhu wax bi affaireu digeentu mom ki lamine gey ak ki mu ne len gis ngeen lo len fi meunti wax mu lo leena wax ba yefir bi tuddu leopold gën julit bi tuddu mohammedul amin muno len waxo muno len fi wax te xam nga mom manam muno len fi wax dara ba lolu xew wax deug yalla cheikh hadi mansour tamir radhiyallahu anhu mom tam fofu la taxay won taxaway bobu non te lolu bo xole day gis lolu yep nak manam mbir la gis la bo xamantene ala kulli hal gis nañ tay problème bi muñu indil bi nga xamantene contraire lu upp ci de marbuy non lañ taxaw rawon maintenant amna yenen yoy nak en tout cas erreur bu lo bo xamantene en tout cas war dañ ko prendre en compte dindi ko mu jeex effectivement rek ki fi le tir mu jeex rek ki fi le tir non mom kay trop tard na xana kay xëccat parce que non trop tard xolal fim toll Liverpool ñimu défar tay tabarakallah ñoom ñep mel na ni mom wala ñu raw ko alors que serigne ci ñom tay mënu ñu leen comparer kenn ci ñi ñew seen ginnaw non pas de dignité voilà mënu ñu leen comparer kenn ci ñi ñew seen ginnaw yalla ñu yalla sam en tout cas du pour critiquer mais c'est juste pour mettre ben manam point de vue voilà sur un problème bo xamantene xeyna ñak ki moko yindi tax manam que peut-être que xeyna tamit je sais pas xaw ko lan en tout cas en tout cas et puis tamit culturellement xam nga wolof yi dañu tamone sénégalais dañuy ki way ki ñun ki lan xam mo ñu jappalé nangam nang bon ya aussi il y a aussi des choses comme ça tout ça bon ala kul hal ak lu meunti xew yalna yalla djegal ñep yalna yalla yeurum ñep yalna voilà en tout cas douté wuñ ci sen sincérité bi ñi def yoy non ak sen bëgg lu bax ak yoy non ak peut-être que sagesse ñom buñu gissone ñun bu yexi wul ci ñun ak ci sen jamono ñom mais lu meunti xew moy résultat bi mu indi tay ak tamit amna yo xamne fait réel la moy le fait que ñom ñu écarter len de telle sorte que nekkunu ben yon des acteurs politiques ñom acteurs ki rek la manam ñom ils étaient juste au service du politicien en fait effectivement c'était des porteurs de voix mais porteurs de voix lañ rek serigne bi serigne gis nga politicien bu ñëwé convoiter serigne c'est comme ni mi convoiter ben waye ju am mbolo benena à cause de lene ni mi convoiter par exemple un homme célèbre bu nit ñu bari bëgg ak yoy non donc lay wala chef d'entreprise bu ki etc non lay convoiter ou marabout bi c'est dans ce sens l'islam bi ñoru ko ni de près ni de loin yalla ñu yalla sam wallahu aalam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.